Les sanglots du ciel par Geode Ham. Œuvre publiée sous licence Creative Commons BYNC ND 3.0 en lecture libre sur atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan. Les sanglots du ciel. Le ciel a pleuré à gros sanglots. Ses larmes déversées en tempête ont couché l'herbe haute dans les prés. Il n'y aura pas de foin à faner. Les blés ne finiront pas de blondir, couchés au sol, irrémédiablement perdus. Les récoltes sont perdues, dévastées. Le ciel a tordu ses mains de nuages, il les a essorées sur la terre, remplissant les fossés, gonflant les ruisseaux, débordant sur les routes. Les maisons sont inondées, les champs sont lessivés, ravagés, la boue a maquillé le visage de la terre. Le ciel a battu ses vents, torturé les feuillages, fendu les arbres. Il a creusé de ses larmes amères des rues dans les graviers des chemins. Il a emporté les routes, dévoré les prés, gommé les paysages. Ô ciel, quelle rage, quel désespoir t'ont tiré ces larmes amères! Quelle rancune, quelle terreur t'ont poussé à ces extrêmes! Sauras-tu un jour nous pardonner? Je n'ai pas de mouchoir à te prêter pour essuyer tes larmes. Tout est détrempé. 11 juin 2018.